Chapitre 5e. Ce fut Madame Poppets qui nous réveilla le lendemain matin. « Savez-vous, messieurs, qu'il est près de 9 heures ? » dit-elle. « 9 quoi ? » m'écriai-je dans un sursaut. « 9 heures, » répéta-t-elle par le trou de la serrure. « J'ai jugé bon de vous réveiller. » Je secouai Harry et lui annonçai la nouvelle. Il marmonna. « Je croyais que tu voulais te lever à 6 heures. »« Parfaitement, » répliquai-je. « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?»« Comment aurais-je pu te réveiller si tu ne m'avais pas réveillé d'abord ? » rétorqua-t-il. « Maintenant, nous ne serons pas sur l'eau avant midi passé. D'ailleurs, tu m'étonnes, toi. Ce n'est guère ton genre de te donner la peine de te lever avant les autres. » fis-je. « Encore heureux que je l'ai fait. Sinon, tu t'aimais capable de rester au lit durant 15 jours. » Cette agréable conversation se poursuivit pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'un ronflement de George l'interrompit de façon provocante, ce qui nous rappela son existence pour la première fois depuis notre réveil. Il était là, couché sur le dos, la bouche grande ouverte, les genoux en l'air, ce plaisantin qui nous avait demandé à quelle heure il devait nous réveiller. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait prouvé. Le spectacle d'un dormeur, quand je suis moi-même debout, m'exaspère. Quoi de plus révoltant que la vue d'un homme abîmé dans un sommeil bestial, en train de perdre les précieux instants de son existence ? Ainsi, George gaspillait-il sous mes yeux, en une hideuse fainéantise, le don inestimable du temps. Ainsi laissait-il se consumer, inemployé, cette vie dont il devrait pourtant, jusqu'à son ultime seconde, rendre compte un beau jour. Alors qu'il eût pu être en train de se gaver de au bacon, de taquiner Montmorency ou de lutiner la servante, il restait là, vautré, l'âme livrée au miasme de l'oubli. Image terrible, qui nous frappa au même instant, Harry et moi. Nous résolûmes de le sauver, et ce noble dessein mit un terme à notre futile dispute. D'un même élan, nous lui arrachâmes ses draps. Harry lui balança un coup de pantoufle, quant à moi, je lui hurlai dans l'oreille. Il s'éveilla. « Que se passe-t-il » balbutia-t-il, se dressant sur son séant. « Debout, gros paresseux !» rugit Harry. « Il est 10h moins le quart !»« Quoi ? » s'écria-t-il, et il sauta du lit. Pour se prendre les pieds dans le tub. « Bon sang, quelle est l'andouille qui a mis cette bassine ici ?» Nous lui rétorquâmes qu'il fallait soi-même être une andouille pour ne pas voir un tub au pied de son lit. Nous achevâmes de nous habiller, et l'instant de la toilette venu, nous nous rappelâmes que nos brosses à dents, soit dit sans hargne, la mienne me fera mourir un jour, que nos brosses à dents, dis-je, brosses à cheveux et peignes étaient au fond de nos valises. Nous descendîmes donc pour les y repêcher. George prit soin d'attendre la fin de l'opération avant de réclamer son nécessaire à raser. Nous lui rétorquâmes que pour ce matin, il devrait laisser les poils de sa barbe en paix, car nous n'allions pas une fois de plus rouvrir cette fiche valise, fût-ce pour ses beaux yeux ou pour qui que ce soit d'ailleurs. « Ne soyez pas ridicule, plaida-t-il, je ne vais tout de même pas me rendre à la cité dans cet état. » Ce serait assurément un sale coup pour la cité. Mais que nous importait présentement la souffrance humaine ? Comme le remarqua Harry avec sa grossièreté habituelle, la cité n'avait qu'à aller se faire boire ailleurs. Nous descendîmes déjeuner. Montmorency avait invité 2 autres chiens à venir assister à son départ, et ils s'entretenaient sur le seuil pour passer le temps. On les calma à coups de parapluie, et on s'attabla devant des côtelettes et du roast beef froid. Harry dit « Le principal, c'est de bien déjeuner. » Et il commença par 2 côtelettes, ajoutant qu'il fallait profiter de ce qu'elles étaient encore chaudes, et que le roast beef pouvait attendre. George prit le journal pour nous lire tous les accidents de canotage et les prévisions météorologiques. Celles-ci annonçaient pluvieux et froid, nuageux avec des éclaircies, orages locaux intermittents, vent d'est, avec dépression générale sur les comtés du sud, Londres et la Manche, baromètre en baisse. Je persiste à penser que de toutes les sottises dont nous sommes accablés, cette fumisterie de la prévision du temps est peut-être la plus irritante. Elle prédit toujours ce qui arrive la veille ou l'avant-veille, et très exactement le contraire de ce qui va arriver le jour même. Cela me rappelle mes vacances de l'automne dernier, complètement gâchées pour mettre fi aux prévisions de la feuille de chou locale. On peut s'attendre aujourd'hui à de fortes ondées avec orages locaux, annonçait-elle le lundi. Aussi renonçâmes-nous à notre projet de pique-niquer et restâmes-nous enfermés toute la journée à attendre la pluie. Cependant, les gens passaient devant la maison en carriole et cabriolet, aussi joyeux qu'il est possible, sous un soleil resplendissant et un ciel sans nuages. « Ah !» nous exclamions-nous en les regardant par la fenêtre. « La saucée qu'ils vont prendre !» Nous gloussions à cette perspective et nous retournions tisonner le feu et nous remettre à lire et à ranger nos collections d'algues et de coquillages. Vers midi, la pièce était baignée de soleil, la chaleur devenait étouffante et nous commençâmes à nous demander si, oui ou non, ces fortes averses et ces orages intermittents allaient bientôt consentir à s'abattre. « Oh, ce sera pour cet après-midi, vous verrez, » nous disions-nous. « Ah, qu'est-ce qu'ils vont revenir trempés ? Quelle rigolade en perspective !» À 1 heure, notre logeuse vint nous demander si nous n'allions pas profiter de ces délicieuses journées pour nous promener. « Sûr que non, » répondîmes-nous, avec un petit rire entendu. « Nous n'avons pas envie de nous faire saucer, nous autres. » L'après-midi toucha bientôt à sa fin sans que le moindre nuage se fût montré, et nous essayâmes de nous réconforter à l'idée que l'averse s'abattrait d'un coup, juste au moment où les gens commenceraient de rentrer chez eux, loin de tout abri, et qu'ils n'en seraient que plus trempés. Mais il ne tomba pas une goutte, la soirée fut délicieuse et la nuit suivie, exquise. Le lendemain matin, la rubrique météorologique nous apprit qu'il allait faire une journée chaude, temps beau à beau fixe, température élevée. Nous nous habillâmes légèrement et sortîmes. Nous nous promenions depuis une demi-heure à peine, qu'une pluie de rue se déclara, qu'un vent glacé se leva, lesquels ne faiblirent pas de toute la journée. Quand nous rentrâmes, nous avions tous un rhume et des rhumatismes, et nous nous empressâmes de nous mettre au lit. Le temps qu'il fera est une chose qui me dépasse complètement. Je n'y ai jamais compris goutte. Le baromètre ne sert à rien. Il est aussi trompeur que les prévisions des journaux. Il y en avait un, pendu au mur, dans un hôtel à Oxford où je demeurais au printemps dernier. Lors de mon arrivée, il indiquait beau fixe. Dehors, la pluie tombait à verse, et cela depuis le début de la journée. La chose m'intrigua. Je tapotai l'instrument, dont l'aiguille fit un bond jusqu'au très sec. Le garçon de l'hôtel s'arrêta en passant et me dit qu'à son avis, le baromètre parlait du lendemain. J'ai mis l'hypothèse qu'il désignait peut-être la semaine précédente, mais le garçon me répondit que non, qu'il ne le pensait pas. Le lendemain matin, je tapotai de nouveau l'appareil, et l'aiguille monta de plus belle alors que la pluie redoublait de violence. Le mercredi, j'allais lui donner un petit coup de plus, et l'aiguille pointa vers le beau fixe, continua vers très sec, puis vers chaleur excessive. Pour s'arrêter enfin contre le butoir, terminus de toute indication. Il faisait de son mieux, cet instrument, mais il était construit de telle façon qu'il ne pouvait, sans se briser, prédire un temps plus beau encore. Je sentais qu'il aurait aimé aller plus loin, annoncer sécheresse, disette d'eau, insolation, simoune et autres agréments, mais le butoir l'en empêcha, et il se contenta d'indiquer un fort banal très sec. Pendant ce temps-là, il ne cessait de pleuvoir à torrents, et la partie basse de la ville était déjà sous les eaux, le fleuve ayant débordé. Le garçon me dit que sans doute nous aurions un jour une période de beau temps, et il me lut ces 2 vers inscrits sur le fronton de l'oracle. « Ce que je prédis à long terme devra attendre. Ce que j'annonce pour demain passera vite. » Le beau temps ne montra pas le bout de son nez cet été-là. Peut-être, le baromètre optimiste faisait-il allusion au printemps suivant. Il existe aussi ce nouveau genre d'appareil, les longs et tout droits. Cela demeure pour moi une complète énigme. Il comporte un côté pour hier à 10 heures du matin et l'autre pour aujourd'hui même heure. Mais on ne peut pas toujours se trouver à pied d'œuvre à 1 heure aussi indue, n'est-ce pas? Ces mécaniques-là s'élèvent ou descendent pour la pluie et le beau temps, selon qu'il y a plus ou moins de vent, et si on les tapote, elles n'en disent pas davantage. Leur lecture exige que vous teniez compte du niveau de la mer et traduisiez leurs indications en degrés Fahrenheit, ce qui, chose faite, ne me renseigne pas mieux, loin de là. Mais à quoi bon ce besoin de prévoir le mauvais temps? C'est déjà assez fâcheux quand il arrive, sans que nous ayons encore l'ennui de le savoir d'avance. Le seul prophète que nous aimions est ce vieil homme, qui, au matin de grisaille d'une journée que nous voudrions ensoleiller, embrasse l'horizon d'un œil connaisseur et déclare « Oh non, monsieur, je crois que le temps ne tardera pas à s'éclaircir. Il n'y aura bientôt plus un nuage. » « Ah, il s'y connaît, jugeons-nous, tandis que nous lui souhaitons le bonjour et nous mettons en route. » Étonnant comme ces vieux paysans sentent les choses de la nature. Et nous éprouvons pour cet homme une sympathie qui ne se défait pas, bien que les nuages refusent de se dissiper et que la pluie tombe généreusement toute la journée. Après tout, vous dites-vous, il a fait de son mieux. Au contraire, l'individu qui prophétise du mauvais temps ne suscite en nous que d'amers sentiments de vengeance. « Ça va s'éclaircir, d'après vous ? » criez-vous joyeusement en passant. « Ma foi, non, monsieur, j'ai bien peur qu'on en ait pour la journée, » répond-il en branlant du chef. « Ce vieux crétin, » murmurons-nous, « qu'est-ce qu'il en sait ?» Que son oracle se vérifie, et nous voilà devenir encore plus fâchés contre lui, obscurément pénétrés du sentiment qu'il y ait pour quelque chose. Il faisait un trop beau soleil ce matin-là pour que George pût nous contrarier avec ses sinistres baromètres en baisse, pressions en hausse et autres perturbations atmosphériques se dirigeant vers le sud de l'Europe. Aussi, à la vue de nos mines impassibles et constatant qu'il perdrait son temps, il me chipa la cigarette que je venais de rouler avec soin et s'en alla. Puis Harris et moi, après avoir fini d'avaler ce qui restait sur la table, nous charriâmes nos affaires jusqu'à la porte et attendîmes le passage d'un fiacre. Notre bagage, une fois réuni, ne manquait pas de volume. Il y avait la grosse valise, le petit sac à main, les deux paniers, un gros ballot de couverture, 4 ou 5 manteaux et imperméables, plusieurs parapluies, un melon solitaire dans son filet, parce qu'il était trop volumineux pour entrer ailleurs, 1 kilo ou 2 de raisin dans un autre filet, une ombrelle japonaise en papier et enfin une poêle à frire qu'il eût été trop long de joindre au reste et que nous avions simplement enveloppé de papier marron. Cela faisait un fichu amoncellement et Harris et moi commencions à nous sentir un peu gênés. Je me demande bien pourquoi, à vrai dire. Aucun fiacre n'apparaissait, mais en revanche, des gamins s'arrêtaient, intéressés par le spectacle. Le premier à s'approcher fut le garçon de chez Biggs. Biggs est notre marchand de légumes, mais il n'a pas son pareil pour s'assurer les services des petits voyous les plus mal élevés et les plus dépourvus de principes que la civilisation ait jamais produits. Qu'un méfait d'entre les méfaits habituels aux gamins se produise dans le voisinage, vous pouvez parier que c'était un coup du garçon de chez Biggs. On dit que, lors du crime de Great Coram Street, on arriva promptement à la conclusion, dans notre rue, que le commis de chez Biggs, celui de cette époque, y était méchamment mêlé. Et n'eût-il pas réussi ? En réponse au sévère interrogatoire que la concierge du numéro 19, assistée de celle du numéro 21, qui se trouvait justement à sa porte, lui fit subir quand il vint prendre les commandes, n'eût-il pas réussi, dis-je, à faire la preuve d'un alibi complet, qu'il aurait appris de quel bois se chauffaient les deux fortes femmes ? Je ne connaissais pas le garçon en ce temps-là, mais si j'en juge par ses successeurs, je n'aurais pas, pour ma part, prêté grand crédit à l'alibi en question. Le garçon de chez Biggs s'approcha donc. Il était bien entendu fort pressé lorsqu'il surgit à l'horizon, mais dès qu'il nous eut aperçus, il ralentit le pas pour mieux nous observer. Harris et moi lui décochâmes un coup d'œil sévère. Pareil regard eût blessé une nature plus sensible, mais les garçons de chez Biggs sont très rarement susceptibles. Il s'arrêta soudain, à 2 pas de notre perron, et s'accotant à la grille, se mit à mâchouiller un brin de paille, l'œil fixé sur nous, visiblement bien décidé à attendre la suite des événements. Un instant plus tard, le commis de l'épicier passa sur l'autre trottoir. Le garçon de chez Biggs le héla. « Eh, il y a le rez-de-chaussée du 42 qui déménage !» Le commis de l'épicier traversa la rue et fit pendant à celui de chez Biggs, de l'autre côté du perron. Puis le jeune apprenti du cordonnier s'arrêta et se joignit à un de deux curieux, tandis qu'un vendeur du journal Blueport prenait une position isolée sur le trottoir. « Il risque pas de mourir de faim, en tout cas !» remarqua l'apprenti cordonnier. « Ah, on peut partir sans rien !» répondit le vendeur de journaux, « quand on va traverser l'Atlantique sur un rafio. » « Ils vont pas traverser l'Atlantique, » intervint le garçon de chez Biggs. « Ils vont chercher Stanley. » Un véritable attroupement se forma bientôt et chacun d'interroger son voisin sur ce qui se passait. Les plus jeunes et les plus écervelés affirmaient que c'était une noce et désignaient Harris comme le marié. Les autres, plus âgés mais guère plus réfléchis, prétendaient que c'était un enterrement et me soupçonnaient d'être le frère du défunt. Enfin un fiacre survint. Il était libre. D'ordinaire, il en passe 3 à la minute dans notre rue, quand on n'en a pas besoin. Il traîne au pas et vous gêne pour traverser. Nous nous entassâmes dans celui-là avec notre matériel et chassant à coups de pied une paire d'amis de Montmorency qui s'était visiblement juré de ne pas l'abandonner, nous nous éloignâmes parmi les acclamations de la foule. Le garçon de chez Biggs nous lança une carotte en guise de porte-bonheur. Nous arrivâmes à la gare de Waterloo à 11 heures et demandâmes de quel quai partait le train de 11h05. Bien entendu, personne ne le savait. Personne à la gare de Waterloo ne sait jamais d'où part un train, ni même où il va. Notre porteur penchait pour le quai numéro 2, mais d'après un collègue consulté à ce sujet, le bruit courait que ce serait du quai numéro 1. Quant au chef de gare, il était convaincu que ce devait être le quai de banlieue. Pour tirer la chose au clair, nous grimpâmes à l'étage et demandâmes à voir le surveillant-chef du trafic ferroviaire. Celui-ci nous répondit qu'il venait juste de rencontrer quelqu'un qui lui avait dit avoir vu notre train au départ du quai numéro 3. Nous gagnâmes donc le quai numéro 3, mais les employés qui se trouvaient là inclinaient à penser qu'il s'agissait plutôt de l'express de Southampton ou du circulaire de Windsor. Ils étaient en tout cas persuadés que ce n'était pas le train de Kingston, bien qu'on ne soit jamais tout à fait sûr avec les trains, vous savez. Notre porteur nous confia alors qu'à son avis, ce train devait se trouver sur l'un des quais surélevés. « Il y avait déjà vu, » ajouta-t-il. Nous allâmes donc jusqu'au quai en question et nous adressant au conducteur de la locomotive, lui demandâmes s'il se rendait bien à Kingston. Il nous répondit qu'il ne pouvait pas nous l'affirmer, mais que c'était quand même probable. N'importe comment, si son train n'était pas le 11h05 pour Kingston, c'était probablement le 9h32 pour Virginia Walker ou l'express de 10h pour l'île de Wight. En bref, il allait quelque part dans cette direction et de toute façon, on verrait bien quand on y serait. Nous lui glissâmes une demi-couronne dans la main en le priant de bien vouloir arrêter son choix sur le 11h05 pour Kingston. « Personne n'y verra rien, » argumentâmes-nous. « D'ailleurs, personne ne sait qui vous êtes, ni où vous allez. » Vous connaissez le chemin, vous démarrez tranquillement et en route pour Kingston. Ma foi, messieurs, je ne suis sûr de rien, répondit ce philosophe. Mais il faut bien qu'un train ou un autre se rende à Kingston et je vais vous y conduire. Ajoutez donc une autre demi-couronne. Ce fut ainsi que nous allâmes à Kingston par le chemin de fer de Londres et du Sud-Ouest. Nous apprîmes par la suite que ce train était en réalité la malle d'Exeter, qu'on l'avait cherchée pendant des heures dans toute la gare de Waterloo et que personne n'avait jamais compris ce qu'elle était devenue. Notre canot nous attendait à Kingston, juste sous le pont. Nous y entassâmes nos bagages et montâmes à bord. « Tout va bien, messieurs ?» nous demanda le marinier. « Tout va bien, » répondîmes-nous. Puis Harris aux avirons, moi à la barre et à la proue, un Montmorency mal à son aise et méfiant, nous nous élançâmes sur ces eaux qui, 15 jours durant, allaient être notre domaine.